Le propriétaire des magasins Sport Expert de Robertval et de Dolbeau-Mistassini, M. Stéphane Leroyer, souhaite un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et remercie la clientèle qui l'a encouragé tout au long de l'année qui se termine. Soyez prudents et amusez-vous avec vos proches. Sport Expert à Dolbeau-Mistassini et Robertval au numéro de téléphone 418-276-3010 ou encore le 275-3744. Ici André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Que cette période propice aux retrouvailles vous permette de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Je vous invite également à faire preuve de générosité envers les personnes démunies pour qui cette période est plus difficile. Enfin, je vous encourage à faire vos achats localement pour contribuer à la vitalité économique de notre communauté. Joyeuses fêtes à tous! La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Après une année, après deux ans d'absence, la traversée internationale du lac Saint-Jean en vélo, la traversée hivernale devrait reprendre du service cette année. C'est un organisme qui s'appelle la Pointe des Pieds qui devrait chapeauter l'événement. Quoi qu'il en soit, on en parle avec Jean-Charles Fortin qui est un des responsables de l'activité. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Dan. Jean-Charles, effectivement, cette année... D'abord, pour bien connaître la Pointe des Pieds, c'est pas vous qui organisez également une compétition, la compétition de la traversée internationale de Saint-Jean, mais à course à pied aussi. Il me semble que c'est vous qui organisez ça. Oui, absolument, Dan. En fait, nous, ça fait 25 ans qu'on existe. Notre travail de tous les jours, c'est d'organiser des expéditions d'aventure thérapeutique pour des jeunes atteints du cancer. OK. Et pour trouver des fonds, on a différents événements. Depuis maintenant 14 ans, on fait le double défi des deux Mario, qui est une traversée du lac Saint-Jean au début février en ski, en raquette, avec camping d'hiver sur trois jours. Et depuis 2019, tu as absolument raison, on organise aussi les courses cryo, qui est une traversée du lac Saint-Jean, je dirais vers la troisième de février, et cette fois-ci, on l'a fait à la course à pied, donc beaucoup plus rapide, là, entre 3 heures et 5 heures. Okay. Et ben voilà, cette année, on nous a demandé si on était en mesure d'organiser la traversée du lac en fat bike, et puis on a répondu à l'appel. OK, donc j'imagine que c'est une activité que moi j'ai toujours dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Là est arrivé le COVID, est arrivé également, mais avant ça, il y avait des problèmes, des difficultés également. Sur quoi, cette année, ça va être quoi votre plan de match? Évidemment, encore l'histoire de la COVID va revenir, donc mais c'est quoi votre plan de match dans l'ensemble? Les courses cryo sont prévues pour le 19 février. Okay. La gang de la course à pied, si on veut, là, eux, ils partent à 4 heures le samedi 19 février. 4 heures de l'après-midi, on part de Saint-Gédéon et on se rend jusqu'à Robertval. Après ça, il y a une autre gang qui vont partir, eux autres, à 6 heures ou 6 heures et demie de la pointe de Chambord pour se rendre au village sur glace à Robertval. Ce qui fait en sorte que les deux gangs de coureurs à pied vont se rejoindre à peu près en même temps au village de Robertval. Okay. Au niveau du fat bike, ça va se faire aussi le 19 février, à la différence qu'ils vont partir à 9 heures le matin de Saint-Gédéon. Donc, il va y avoir un tracé, mais deux pistes. Fait que d'un côté, ça va être réservé au fat bike pour le samedi matin. Et de l'autre côté... ça va être réservé pour les coureurs à pied le 19 février en après-midi. Est-ce que là, c'est ça le plan de match. Ouais. Est-ce que là, ça va changer là, avec le COVID? Encore une fois, les mesures qui ont été annoncées dernièrement, là, ça va changer encore ce soir-là? Changer, c'est peut-être pas le bon mot. Là. C'est que Le bon mot, c'est celui qu'on entend depuis presque 2 ans. On va s'adapter. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont adaptés avant nous, puis on va s'inspirer des meilleures pratiques. Je te donne des exemples. Probablement qu'il n'y aura pas de course comme telle. Ça va être un événement chronométré, mais ça va être un événement participatif. Il n'y aura pas de podium. Ça va être chronométré pareil, parce que le monde, ils veulent savoir en combien de temps ils l'ont fait, puis ils veulent se comparer un peu, mais ça va être un événement à participation populaire. Okay. Après ça, on pourrait partir par vague. Tu sais, au lieu de partir 50 ou 100 vélos ou coureurs en même temps, ben on part à 10, puis 10 minutes après, tu fais partir un autre 10, puis 10 minutes après, tu fais partir un autre 10. Fait que question de limiter ou plutôt d'augmenter la distanciation. Sur les sentiers, ben on va dire au monde, au lieu de rouler dans le milieu, ben vous pouvez rouler dans le milieu, mais quand vient le temps de se dépasser, ben tu calls la chope, tu dis « dépassement à gauche ». Fait que celui qui est dans le milieu, il se tasse complètement à droite. Celui qui dépasse se tasse complètement à gauche. Là, à ce moment-là, on limite les contacts. Je te donne d'autres exemples. Au ravitaillement, d'habitude, quand tu arrives au refuge, ben tu as une table avec plein de bouffe que tu peux prendre, là, que ce soit des bananes, des patates, des bars tendres, des jus. Ben au lieu de le mettre en bas de buffet, ben on peut mettre des sacs Ziploc. Fait que quand tu arrives à la station, tu prends ton sac Ziploc, tu avances 10 pieds, 20 pieds. Là, il y a une station, on peut même mettre 3 stations avec des poubelles, où là, les gens mangent, ils jettent leurs choses dans les poubelles, ils repartent. Fait qu'il n'y a pas de contact des mains, si tu veux, ou du visage avec les bénévoles ou entre les coureurs. Puis la même chose à l'arrivée, tu sais, c'est d'avoir un site d'accueil extérieur pour limiter les contacts. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de bon, je peux même pas parler de créativité, parce qu'il y a plein de monde qui ont mis ça en place, là, mais tu sais, il y a plein de bonnes idées qu'on peut emprunter, faire en sorte qu'il va y avoir un événement quand même, peu importe l'évolution de la situation là, avec la pandémie. L'Europe, par les années passées, il y avait toujours des équipes d'Europe qui étaient là, il y avait toujours des équipes, des gens de l'Europe. Est-ce que cette année, là, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas de restrictions pour les voyageurs rentrant au pays, je pense. Est-ce qu'il y a déjà des gens d'Europe qui ont déjà qui ont mentionné qu'elle allait être là? Oui, on a des inscriptions d'athlètes français. Okay. Est-ce qu'ils seront capables de venir? Ben, c'est l'avenir qui va nous le dire, là. Mais pour le moment, oui, on a des gens de l'extérieur qui sont inscrits, effectivement. OK. Si on parlait maintenant également, est-ce qu'il va y avoir aussi des gens qui viennent... il y avait des reportages à un moment donné qui avaient été faits également là-dessus. C'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment génial. Est-ce qu'il y a des journalistes qui vont venir aussi? Parce que ça avait été retransmis dans quelques pays par les années passées. Oui, absolument. On est dans cette même mouvance-là. On a entamé des discussions là, avec des revues spécialisées. Okay. Qui nous ont dit que ça les intéressait et qu'ils voulaient regarder l'évolution de la situation là, avec la COVID, mais ils ont l'intention d'être là. Puis on espère qu'ils vont pouvoir y être. Puis, et on est dans ces mêmes intentions-là d'en faire un gros événement international. Et les courses Crio, depuis les tout débuts, on a 70 à 75% des participants qui viennent de l'extérieur de la région. Fait que, c'est un événement qui a un gros moteur économique et qui amène des retombées. T'sais. Puis l'événement, nous, on le fait le samedi soir, les courses à pied. C'est intentionnel parce qu'on veut que le monde de Montréal, ils partent le vendredi midi, le vendredi après-midi, qui viennent manger, dormir le vendredi soir pour être relax le samedi, puis ils font leur course le samedi soir, ben, ils vont redormir une autre nuit, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est des nuitées dans les hôtels, c'est des repas, c'est des gens qui découvrent le lac l'hiver. Tu sais, bien souvent, entre toi et moi, tu sais, à part la clientèle des motoneigistes, le monde connaisse le lac l'été, mais pas l'hiver, tu sais. Fait que ça permet de redorer le blason du lac l'hiver, puis de regarder, là, il y a de quoi qui se passe, là, ça grouve sur le lac, là. Donc, on est dans cette... Donc, j'imagine qu'il va y avoir encore des compétitions, il va y avoir quand même, j'imagine également, des inscriptions, donc, et également des classes. Donc, si les gens qui veulent s'inscrire, on appelle où et on s'adresse à qui? C'est d'aller sur le site des courses Crio. Tu sais, tu vas dans Google, puis tu rentres courses Crio, C-R-Y-O. Okay. Tu peux aller aussi sur l'ancien site de la traversée du lac en vélo. Puis là, tu vas être redirigé vers le site des courses Crio. On a choisi aussi un nouveau nom pour l'événement. Avant, c'était connu sous le nom de la traversée du lac Saint-Jean à vélo. Ouais. Maintenant, on y a donné un nom plus court, plus facile à retenir, puis plus facile à prononcer pour les anglophones aussi. On l'a appelé la FATLAC. Okay. Fait que c'est une illustration aussi de notre désir de faire grandir puis de faire traverser les frontières là, pour l'événement. OK. Ben, merci beaucoup. Plaisir de se reparler. Bravo. En tout cas, j'ai rien que ça à dire d'avoir repris le relais. Au plaisir de se parler, puis on espère évidemment qu'il y aura une édition, on ne sait jamais avec le gouvernement, hein. Fait que au plaisir de se parler. Ben oui Dan, puis avant de se quitter, moi je veux juste dire merci aux gens du village sur glace, de la ville de Roberval, et MRC autour du lac, la ville de Saint-Gédéon, tu sais, qui nous ont fait confiance, puis quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas en position, qu'il n'y avait pas assez de staff pour organiser l'événement. Ils n'ont pas voulu que ça meure. Puis ils ont proposé d'organiser l'événement. Puis moi, je veux les remercier là, de nous avoir proposé ça. C'est un honneur pour nous. Puis je lève mon chapeau aussi aux créateurs, là, les gens de la Véloroute des Bleuets, David Lecoin. Fait que, merci à tous ces gens-là. Moi, c'est un événement que je crois beaucoup. Moi, au niveau touristique l'hiver, c'est un événement que je crois beaucoup pour le lac Saint-Jean. Là. Il y a des images incroyables. Normalement, à la fin février, il y a des belles journées. C'est sûr que sur le lac, c'est pas facile. Sauf que, tu sais, la traversée internationale du lac Saint-Jean, ça a commencé petit, puis c'est devenu gros. Je pense que, puis le fat bike, ça devient populaire de plus en plus. Donc, c'est un événement, moi, que j'ai pas de problème avec ça. Là. Moi, j'y crois beaucoup, cet événement-là. Là. On est plusieurs à y croire, puis tu vois... De Vinci, il croit aussi, c'est notre présentateur pour l'événement de Fat Bike. Arc'teryx, c'est notre présentateur pour la traversée 32 km à course à pied. Il y a beaucoup de gens qui y croient, puis ça, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça, Dan. Puis et tu peux être certain qu'on va mettre toutes les épaules à la roue qu'il faut là, pour en faire un événement d'envergure dans les prochaines années. Ben, merci beaucoup pour le plaisir de se reparler. On va sûrement se reparler au courant de juste avant l'événement. Avec plaisir, Dan. Voilà Jean-Charles Fortin qui nous parlait de l'édition 2022 de la traversée internationale du lac Saint-Jean en vélo, Fat Bike.